cadeau ou l'amitié illimitée. On votera pour te niquer ta mère et ça à l'unanimité. Et d'être comme eux, épargnez-moi. J'ai pas vu mon avenir sur le parchemin. Ce soir je repars chez moi et puis je me barre demain. Boire leurs paroles jusqu'à la crise de foi. Au fond je m'en fous en vrai, de qui, de quoi. Je regarde ma ville brûler depuis le toit. Devant le futur, le regard apeuré. Vous vous aimiez tous à peu près. Puté, soi-disant frère, on cessait d'appeler. Première embrouille, tes mal comportements. Qu'est-ce qui emporte le vent? Ou bien qui porte le nom de la mort comme un avortement? Lorsque l'on mise sur les gens, le cerveau s'éteint, le cœur s'emballe. Mauvais investissement comme un t-shirt à 300 balles. Avant l'intelligence, l'être humain passera par très con. Jugé avant de connaître les autres comme un rhum au passage piéton. Frère, on l'était déjà pas tous hier. Aujourd'hui ça promet et demain les paroles s'envoleront comme un amas de poussière. Des bandits traités comme des KRA, des sous-fifres aiguisés sans caler là. Des sourires déguisés devant caméra. Il faut faire comme les autres, alors tu lis ton script. Au fond t'es jamais à ta place, trimballé comme un litron de shit. Et tout ce que l'homme sait faire bateau sur terre c'est ravager. Ferme ta grande gueule, on verra ta face cachée, poignée attachée. Et quelques liasses, quelques morts, quelques rêves. Un peu de toi, un peu de moi, un peu de haine et quelques trêves. T'avances avec les tiens et puis c'est sale. Alors c'est sang, d'abord c'est si et puis c'est ça. Et les erreurs font pisser le sang. La fin en vrai c'est rien et ce qui est frais en vrai c'est vivre. Mais toi tu sais pas t'arrêter à temps comme une putain de mauvaise série. On s'étonne pourtant c'était marqué dans le corpus. On sera aimé puis détesté ou détesté puis haï encore plus. De la âme dans les tripes avec un semblant d'équité. On a changé de but, on change d'équipe, on changera d'équipier. Puis je suis parti car on me prend pour un con quand t'es pas distant. Et dans mon cœur y'avait plus de place comme au Pakistan. Litres ont écoulé, quelques amitiés écourtées. Si certains avaient écouté, y'aurait moins de rêves échoués. Pour quelques kills, certains dans la flûte sont passés maîtres. Mais t'as rien écouté, quand je t'ai dit, je sais pas, j'en passe ces mecs. Bref, tout ça, je pourrais t'en faire des milliers de lettres. Les faux essaient de devenir vrais pendant que les vrais sont fatigués de l'être.